Ah, il n'y a que de la circulation tout autour. Ça m'englobe. Du coup, c'est largement plus calme. Je me sens moins au milieu de la circulation. Effectivement. On n'est plus du tout au milieu du trafic des voitures, mais celui des vélos. Ça sent la vase. On ne doit pas être si loin de l'eau, du coup. Ah, il y a un bruit qui se confondait à la base avec le bruit de la circulation, mais qui ressemble vraiment à un torrent d'eau. Mais au final, la circulation du flux incessant des voitures est vraiment très proche de celui de l'eau qui coule assez abondamment. Et c'est très calme, il n'y a plus le bruit des voitures, il n'y a plus que ce fond de l'eau. C'est un tronçon agréable. Ouais, le débit, il doit être puissant, là. La seule circulation, c'est des vélos. J'aurais pu croire qu'on était dans la forêt. Le train qui va recontextualiser dans ma civilisation. Ah. La circulation revient crescendo. Ce torrent qui faisait un fond sonore de la rivière était plutôt apaisant. Même si celui des voitures n'est pas stressant pour l'instant, je l'associe à un aspect visuel moins agréable.